un peu lièvré. Mamselle, pas besoin plus que ça. Vous les bien maquiller. Arrête mon tête pas péter. Mamselle, assise à au côté de moi ma fille. Comme tu mets dans mon tête, il fait réveil bébé. Mamselle, mais n'a un petit problème. Le te veut pas péter. Piston de ma poule huilée. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça même elle est pour ma fille. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça me t'étonneront. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça même elle est pour ma fille. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça me t'étonneront. La forêt, à nos la plaine, la pompe et gouillavier. Le petit fruit délicieux, ça même m'y veut goûter. Mamselle, regarde comme on est belle. M'y vaudrait un joli sourire sur ton petit lèvre. Mais voilà, ma la patte a glissé. Piston l'a rayé. Mamselle, viens réparer. Huile de piston, mademoiselle. Mademoiselle, huile le piston, comme ça même elle est bon ma fille. Huile le piston, mademoiselle, huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça mon tel étonneront. Huile le piston, mademoiselle, huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça même elle est bon ma fille. Huile le piston, mademoiselle, huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça mon tel étonneront. Mademoiselle, huile le piston, comme ça même elle est bon ma fille. Huile le piston, mademoiselle, huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça me t'étonnons. Huile le piston, mademoiselle, huile le piston, mademoiselle. Huile le piston, comme ça même elle est bon ma fille. Huile le piston, mademoiselle, huile le piston, mademoiselle. Huile le